السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا يا الإخوة والأخوات، auditeurs et auditrices qui nous suivez sur les radios Mixeller, Instagram et Telegram du Mejid al-Rahma, marhaban bikum jami'an. Tout comme je souhaite la bienvenue à mes frères et sœurs qui ont pris leur temps pour venir assister à cette assise d'après Taraweh. Et nous sommes dans cette nouvelle assise autour d'une nouvelle thématique. Et le sujet de l'assise de ce soir est les 10 causes parmi les causes permettant d'être sauvé, c'est-à-dire d'obtenir la salvation yawm al-qiyamah. Sachant que l'allama, l'alim al-jalil, l'allama Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, parmi les ulama de la ville de Médine, dans un de ses cours, avait donné une faïda muhimma. En effet, dans son explication du sujet de l'iqtida al-ilm wal-amal, c'est-à-dire que l'œuvre et le fruit de la science, c'est-à-dire que la science implique l'œuvre, il avait expliqué, hafidhahullah, que la science est acquise dans le but d'œuvrer, comme l'œuvre est accomplie dans le but d'être sauvée. Et donc le cours d'aujourd'hui porte sur 10 causes, parmi les causes nous permettant d'être sauvés, yawm al-qiyam. Car Allah azzawajal a dit, et celui qui est extirpé du feu de l'enfer et introduit au paradis, faqad faz, il a certes réussi. Donc chacun d'entre nous, nous désirons la salvation. Et la salvation est obtenue par des causes. Nous allons en étudier une dizaine. Ce n'est pas une liste qui se prétend exhaustive. C'est-à-dire qu'on n'a pas la prétention de dire que ce sont voilà, les 10 causes uniques qui permettent d'être sauvés yawm al-qiyamah. Mais ce sont plutôt parmi les plus grandes causes connues. Donc la première cause de salvation yawm al-qiyamah, c'est tawhidullah wa ikhlas ad-din ilah. Le fait de vouer un culte pur et exclusif à Allah azza wa jal. Le fait de l'adorer seul et sans associé. La plus grande cause de salvation yawm al-qiyamah, et je dirais même plus, il n'y a pas de salvation sans lui, c'est l'unicité d'Allah. Le fait de lui vouer un culte pur. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'imam Ahmed dans son musnad l'a rapporté, a dit « Man qabila minni al-kalima allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah » C'est-à-dire que quiconque aura accepté de moi la parole, et la parole ici c'est l'attestation de nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah. Donc quiconque aura accepté de ma part cette parole que j'ai présentée à mon oncle et qu'il a refusée et qu'il a rejetée, alors il sera sauvé. C'est-à-dire que cette parole, cette attestation qu'il a proposée à son oncle de dire, mais son oncle s'est dérobé et s'est soustrait à sa demande et à son encouragement, mais quiconque aura accepté cette parole que son oncle lui a rejetée, quiconque acceptera la shahada de la ilaha illallah, en sera sauvé. Et comme les ulama l'ont expliqué, ce n'est pas juste un talafouz, c'est-à-dire ce n'est pas juste la prononciation de l'attestation. Elle vient avec ses 8 conditions. Al-ilm, le fait de connaître le sens de la ilaha illallah. Al-yaqin, le fait d'avoir la conviction que le sens de la ilaha illallah est la vérité. C'est-à-dire que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah. Al-qaboul, le fait que le cœur accepte cela. Al-inqiyad, que les membres se conforment à cela. Il n'est pas rationnel et il n'est pas acceptable qu'une personne dise « Ashhadu an la ilaha illallah » puis il adore les morts, il invoque les morts, il sacrifie pour les djinns. C'est une mukhalafa. « Bal huwa naqidun min nawaqid al-islam » Mais c'est plutôt même un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Donc, la première condition, c'est « al-ilm ». Deuxièmement, « al-yaqin », la certitude. Troisièmement, « al-qaboul », l'acceptation. Quatrièmement, l'inqiyad, l'assujettissement des membres, c'est-à-dire que l'on se conforme dans nos actes et dans nos pratiques à ce qu'implique la ilaha illallah. Al-sidq, Le fait que lorsque tu attestes, tu es véridique, tu n'es pas un munafiq qui dit avec sa langue ce que son cœur ne croit pas. Ensuite, l'ikhlas, le fait de vouer un culte pur et exclusif à Allah, dénué et dépourvu de toute forme de polythéisme. Ensuite, al-mahabba, le fait d'aimer Allah, d'aimer cette kalima, d'aimer ce qu'elle implique et d'aimer les gens qui se sont conformés à cette kalima, c'est-à-dire al-wala lil muslimin, l'alliance à l'égard des croyants. Et certains éléments ont rajouté une huitième, comme al-allama Abdelaziz ibn Abdallah Ben Baz, dans son livre Durus al-Muhimma li 'ammati al-Ummah, dans son livre Les leçons importantes pour la communauté, al-kufr bima yu'badu min dunillah, la mécréance vis-à-vis de ce qui est adoré en dehors d'Allah azzawajal. Et Allah azzawajal a dit: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et Allah Azza wa Jalla a dit: Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez personne si ce n'est lui. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Et il ne leur fut ordonné cependant que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, en pur monothéiste. Donc la base de la salvation, de la réussite, Yawm al-Qiyamah, c'est l'unicité d'Allah dans le culte. Et cette salvation est de deux. La première forme de salvation, c'est le fait d'être sauvé de l'entrée dans le feu, mutlaqan. C'est-à-dire, ce sont ceux qui auront fait tahqiq al-tawhid. Et comme Cheikh l'Islam Mohammed al-Tamimi l'a abordé dans son livre, il a un chapitre, Bad man muhaqqaq al-tawhid dakhala al-jannah bighayri hisab. C'est-à-dire que le chapitre concernant le fait que quiconque aura concrétisé le tawhid rentrera au paradis sans châtiment. Sans jugement et donc sans châtiment. Donc la première concrétisation du tawhid, c'est la concrétisation du tawhid qui te permet d'entrer au paradis sans passer par l'enfer. Du tout. Tu ne passes pas par l'enfer du tout. Donc c'est une salvation de l'enfer complète. Ensuite, la deuxième forme de salvation par le tawhid, c'est une salvation dans un temps secondaire. Dans le sens où tu peux être amené à rentrer en enfer de par tes péchés, mais de par ta concrétisation du tawhid à ton échelle, alors le tawhid que tu as concrétisé, bien que déficient de par les péchés et les fautes, ton tawhid n'est pas complet. Il est déficient. De par ta déficience, tu passes par l'enfer. Mais de par ce que tu as de tawhid en toi, que tu as concrétisé, tu es sauvé de l'enfer dans un point de vue où tu ne seras pas en enfer pour l'éternité. Tu y es un temps. Et au final, tu en finis par en être sauvé. Car tous les croyants, bifadlillahi azzajal, rentreront au paradis. Et Allah Azzajal a rapporté la parole de son messager Isa alayhi salatu wasalam, dans lequel il a dit: Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. C'est-à-dire, quiconque viendrait à donner des associés à Allah, alors Allah lui interdit à tout jamais le paradis. Et son refuge final, c'est-à-dire sa destination finale, sera l'enfer. Et les injustes n'auront point de secoureur. Et notre cher Salim Ben Mahriz nous avait expliqué ce verset en nous expliquant que, c'est-à-dire que personne ne viendra les sauver. Et donc, dans le sens dans lequel les koufars seront en enfer pour l'éternité, Allah Azza wa Jalla dans Sourate Fatir a dit: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. C'est-à-dire que ceux qui auront mécru auront le châtiment de l'enfer et ils ne seront jamais amenés à être achevés, c'est-à-dire dans le sens où ils seront amenés à ce qu'on leur donne le coup de grâce, qu'on leur donne la mort. Et leur châtiment ne sera pas allégé en quoi que ce soit. كذلك نجزي كل كفور. Ainsi nous rétribuons tout grand mécréant. Et donc, il faut savoir qu'il y a trois catégories d'individus concernant l'enfer. Ceux qui en sont sauvés, ceux qui sont sauvés de l'éternité dans l'enfer, et ceux qui n'en seront pas sauvés du tout. Allah Azzawajal a mentionné: ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا. Puis nous fîmes hériter du livre ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Faminhum zalimun li nafsihi. Parmi eux, il y a celui qui se fait du tort à lui-même, c'est-à-dire par ses manquements et ses péchés. Waminhum muqtasid. Et parmi eux, celui qui se tient sur une voie moyenne, médiane, c'est-à-dire qui fait le strict minimum. Il fait les wajibat et délaisse les muharramat. Ces deux catégories sont les deux premières. Et parmi eux, il y a celui qui devance les autres par le fait de devancer les autres dans l'accomplissement du bien. Et ceci par la permission d'Allah, et ceci est la grâce énorme. Ensuite, concernant il y en a la suite de ce passage, à un moment donné, un peu plus loin, Allah Azzawajal mentionne وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Donc, et ceux qui ont mécru auront le châtiment de l'enfer, ils ne seront jamais achevés par le fait de pouvoir mourir, et leur châtiment ne leur sera jamais allégé, ainsi nous rétribuons tout grand mécréant. Donc, la première catégorie, minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. La première catégorie va englober les deux, c'est-à-dire le muqtasid, c'est-à-dire celui qui fait les wajibat et qui délaisse les muharramat. C'est-à-dire que lui, il fait le strict minimum, mais c'est déjà quelque chose d'azim. Sachant que Cheikh Abd al-Razzaq, dans son explication de Kitab al-Tawhid, a expliqué que le muqtasid et sabiqun bil khairat, ces deux catégories rentrent au paradis sans jugement et sans châtiment. Parce qu'ils ont concrétisé le tawhid. Non. Donc, le muqtasid, il fait les wajibat, il fait toutes les obligations, il délaisse les muharramat. Ensuite, il y a as-sabiqun bil khairat, lui, il fait la même chose, sauf qu'il fait des mustahabbat et il délaisse des makruhat. Il fait des actes dont l'accomplissement est recommandé en plus, il fait les obligations et des actes dont l'accomplissement est recommandé, et il délaisse les interdits et il délaisse des choses dont l'accomplissement est détestable. Donc, et parmi eux, il y a celui qui est injuste. Ça, c'est la deuxième catégorie. Celui qui est injuste envers lui-même. Ça, c'est le mu'min qui tombe dans des péchés, dans des kaba'ir. Qui peut nous rappeler comment on reconnaît une kabira, une kaba'ir al-dhunub? Sachant qu'on avait vu que Abdullah ibn Abbas avait dit La kabira ma'a al-istighfar wa la saghira ma'a al-israr. Taïb, tfadl. Taïb, achète-moi dans l'au-delà ou l'avenir? طيب أحسنت استمر عندك شيء آخر طيب النفي للإيمان نعم طيب نسيت نعم أنت نسيت طيب تفضل ارفع صوتك وزاد وزاد حفيد إن في طيب أحسنت دوك On avait vu, quand on avait étudié Manzumatul Kabair de l'imam Moussa al-Hajjawi, l'imam du fiqh Hanbalite, que le péché, on le reconnaît selon la définition de l'imam Ahmed, yani par le fait qu'il est l'objet d'une menace, d'un châtiment dans cette vie d'ici-bas, donc un had fi dunya, d'un châtiment corporel, ou tawa'udun bi ukhra, ou d'une menace, d'un châtiment dans l'au-delà. Ça, c'est le signe d'une kabira. Et l'imam Hafidh al-Majdi, c'est-à-dire Ibn Taymiyyah, a rajouté, car il fait partie des imams du Madhab, avait rajouté la négation de la foi. Par exemple, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, le fornicateur, lorsqu'il fornique, il n'est pas croyant. Ça ne veut pas dire qu'il est kafir. Ça, c'est la voix des Khawarij. Mais il est naqisul iman. Mu'minun bi imani, croyant de par sa foi, fasiqun bi kabirati. Fasiq, grand désobéissant, dévoyé, débauché, de par son grand péché. Comme l'avait expliqué l'allama Ubayd ibn Abdillah al-Jabiri, rahimahullah, dans son explication de Thalathat al-Usul. Donc également la malédiction. Le fait que si un péché est l'objet de la malédiction, c'est une kabira. Si l'objet, yani la personne qui l'accomplit, est l'objet du désaveu. Le prophète sallam dit, Man rachana falaysa minna. Celui qui nous trompe, il n'est pas des nôtres. Ça, c'est une kabira. Min kaba'ir al-dhunub. Donc, Donc parmi eux, celui qui est injuste envers lui-même, c'est-à-dire que celui-là va rentrer en enfer à la qadri dhunubihi, en fonction de ses péchés. Taïb. La troisième catégorie, donc la première catégorie comprend deux. On comprend deux sous-catégories. La personne qui fait le strict minimum et la personne qui devance les autres dans le khair. La deuxième catégorie, c'est celui qui est injuste envers lui-même. Mais ces deux catégories-là sont sauvées du feu. La première rentre au paradis directement. La deuxième risque l'enfer, puis rentre au paradis dans un second temps. Puis la troisième est celle qui ne sera pas sauvée de l'enfer du tout. Donc c'est ceux qui sont concernés par le verset. Il y en a ceux qui ont mécru, ils auront le châtiment de l'enfer. Là, il ne sera jamais amené à être achevé et pouvoir mourir. Et donc, il faut être sur ses gardes concernant le sujet du shirk. نعم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. Donc lorsque le verset qui a été mentionné par le prophète صلى الله عليه وسلم à ses sahaba, dans lequel Allah azza a dit et ceux qui ont cru et qui n'ont pas corrompu ou entaché leur foi par la transgression, ceux-là auront al-amn, ils auront la sécurité, wa hum muhtadun, ils seront bien guidés. Ce verset-là a été dur pour eux. Pourquoi? Waqalu ayyuna la yadhlimu nafsa. Eux, ils ont compris que c'était l'injustice contre soi-même, c'est-à-dire le fait de faire des péchés. Donc, ils ont dit, mais qui d'entre nous ne se fait pas du tort à lui-même? Et le prophète sallam a dit, Laysa huwa kama tadhunnun, innama huwa kama qala Luqmanu li ibnihi, ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que vous pensez, ce que vous pensez avoir compris, mais plutôt c'est ce que Luqman a dit à son fils lorsqu'il lui a dit: Ô fiston, ne donne pas des associés à Allah, car certes l'associationnisme est une injustice énorme. Non. La deuxième cause de salvation, yawm al-qiyamah, ittiba'u sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Man yufassir lana as-sunnah. Je veux les cinq. Pardon. Ah, ça, c'est la définition des savants du hadith, comme on l'avait vu. Donc, la sunna, c'est cinq éléments. Tout ce qui a été rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme acte, comme parole, comme approbation, comme description physique, ou comportemental. Et donc, le fait de suivre la sunna, il y a en cela la salvation. Car suivre la sunna, ça implique suivre le mu'taqad nabawi, d'avoir la même croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'avoir le même manhaj que lui. L'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, a dit: Man arada an-najah, fa'alayhi bi kitabillah wa sunnati nabiyyi, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quiconque désire la salvation, alors il lui incombe de se conformer au livre d'Allah et à la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Waqala, et il a dit dans une autre parole, As-sunnatu safinatu nuh, man rakibaha naja, wa man takhallafa anha gharik. C'est-à-dire que la sunna est-elle le bateau de nuh. Quiconque embarque sur elle, c'est-à-dire quiconque embarque dans cette embarcation qu'est la sunna, sera sauvé. Et quiconque se... Yanni s'abstient de monter dans cette embarcation, alors sera noyé, c'est-à-dire qu'il causera sa perte. Donc parmi les choses qui vont être une cause de salvation pour toi, Yom al-Qiyamah, le fait de donner de l'importance à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et le fait de suivre sa voie, qui est une voie droite. Allah azza wa jalla dans surat al-Ahzab, le verset 21, a dit « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. C'est-à-dire que vous avez certes un excellent exemple à suivre dans le messager d'Allah, pour quiconque croit en Allah et au jour dernier, et qui mentionne Allah abondamment. Et il y a un verset important concernant la mise en garde qui a été émise par Allah Azzawajal à l'égard du fait de contredire l'ordre du messager d'Allah. Allah عز وجل a dit: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة Qu'ils prennent garde, ceux qui osent s'opposer à son ordre, que ne les atteigne une fitna. Et je ne traduis pas volontairement car il y a le tafsir de l'imam Ahmed qui va suivre. Que ne les atteigne une fitna, une épreuve, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. L'imam Ahmed rahimahullah, a dit, Atadruna mal fitna. Savez-vous quelle est cette fitna? Il a dit, il fitna tu shirk. C'est-à-dire que du fait que tu t'opposes à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah t'égare et que le shirk tombe dans ton cœur. Et il faut savoir que la personne qui n'œuvre pas en conformité à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il sera loin de toute forme de salvation. Car la guidance et le fait d'être sauvé résident dans le fait de se conformer à la pratique du prophète alayhi salatu. Donc non seulement la personne sera loin d'avoir entrepris les causes de la salvation, mais il aura entrepris les causes de sa perte et de sa ruine, sachant que le mubtadi, comme un des ulémas auprès duquel j'ai étudié en Égypte avait expliqué dans son explication de Usul Sunna de l'imam Ahmed, et médité quelque peu sur cette approche concernant le cas du mubtadi. Le mubtadi, c'est-à-dire l'innovateur, celui qui introduit et innove dans la religion d'Allah ce qui n'en fait pas partie, c'est comme si par son acte, il ne le dit pas avec sa langue, mais c'est comme si par son acte il disait, je ne suis pas satisfait de ce qu'Allah a légiféré pour qu'on se rapproche de lui, et j'érige ma propre personne comme législateur avec Allah, et je vais me légiférer des actes par lesquels je vais me rapprocher d'Allah moi-même. Voilà la réalité du mubtadi. C'est-à-dire qu'en vérité, il n'est pas satisfait de ce qu'Allah a légiféré. Alors qu'Allah a dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'amati, wa raditu lakum l'islam dinan. Dans sourate Al-Ma'idah, ce verset-là, un Yahoudi a dit, en parlant de ce verset-là, à Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a dit, vous avez dans votre livre, yani Al-Qur'an, vous avez dans votre livre un verset. S'il avait été révélé sur notre communauté, nous aurions fait du jour de sa révélation un Eid, c'est-à-dire un jour de festivité annuelle qu'on célébrerait chaque année. Et Omar ibn Khattab ne voyait pas de quel verset il parlait. Et il lui a dit quel verset il s'agit. Il lui a donc dit, c'est le verset que je viens de vous lire, c'est-à-dire, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, et j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. L'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, a dit que toute personne qui innove une innovation dans la religion et qui la considère bonne, il a alors, c'était comme s'il accusait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir trahi le message. Et les ulémas ont expliqué que ce verset-là a clos at-tashri'a. C'est-à-dire que la législation a été clôturée par ce verset. C'est-à-dire qu'après, il n'y a pas eu de nouvelles lois, de nouvelles pratiques, de nouvelles adorations. Et donc, toute personne qui ramènerait après ce verset-là une adoration qui n'a pas été légiférée avant ce verset-là, donc ceci est quelque chose de faux. De plus, le mubtadi, son affaire est le rejet. C'est-à-dire que son acte est rejeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith, Man amila amalan laysa alayhi amruna, fahuwa rad. Quiconque œuvre d'une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre ordre, la verra rejetée. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et soyez attentifs sur cette faïda. C'est une faïda de l'allama Rabi' al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. Dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait tous les vendredis, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle khutbatul haja, il disait Fa inna khayra al-hadith kitabullah. Le meilleur des propos est le livre d'Allah. Wa khayrul huda, huda Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure des guidances est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharrul umuri muhdathatuha. Et les pires choses sont les choses nouvellement inventées et introduites dans la religion. Et toute innovation est égarement. Et ça, c'est une riwaya, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs versions, plusieurs variantes et plusieurs formulations. Mais rendez-vous compte, le prophète sallam, donc, mettait en garde contre la bid'a chaque semaine. Et lorsqu'il y avait un mariage, c'est une sunna lors du mariage, le fait de réciter khutbatul hajj, dans laquelle il y a la mise en garde sur la bid'a. Donc au moins une fois par semaine, lorsque tout le monde était présent, le prophète Hassan faisait un rappel sur la mise en garde contre les innovations, alors que l'innovation n'existait pas encore. Cheikh Rabi a fait remarquer sur ce point-là. C'est une faïda moufida, jidden. Le prophète Hassan, chaque semaine minimum, il mettait en garde contre quelque chose qui n'existait pas encore. Donc comment les musulmans devraient mettre en garde et insister contre l'innovation, alors qu'elle est répandue et qu'elle est la cause de la mort d'innocents? Allahu Akbar. Et concernant également un autre aspect important, le fait que Yom al-Qiyamah, le Mubtadi sera repoussé du bassin. C'est-à-dire lorsque les gens seront rassemblés, ils seront amenés à être ressuscités, amenés à être reconstitués, amenés à se déplacer vers Al-Mahshar. Al-Mahshar étant la terre sur laquelle aura lieu le jugement, comme Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué dans son explication dans Aqidatu Al-Tahawiyya, de l'imam Abu Ja'far Al-Tahawi. Donc Al-Mahshar sera le lieu du rassemblement. Les gens s'y rassembleront. Les gens voudront, parmi les gens de la communauté du prophète sallam, des gens vont voir le prophète sallam. Le prophète sallam va les reconnaître. Parce que le prophète sallam a dit, Inna ummati yud'una yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athar al-wudu. C'est-à-dire que les gens de ma communauté seront interpellés, seront reconnus par les traces du wudu. Donc le prophète sallam va les reconnaître comme étant des adeptes de sa communauté. Et ils vont voir leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont vouloir s'approcher du bassin. Et des anges s'interposeront entre eux et Rasulullah, entre eux et le bassin. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire? Ummati, ummati. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera informé concernant la réalité de ces gens à qui on a empêché d'avoir accès au bassin. Le jour où le soleil se rapproche, le jour où les gens seront assoiffés, un bassin dont le liquide est plus blanc que le lait, d'une meilleure odeur que le musc, d'un meilleur goût, d'un goût plus sucré que le miel. Celui qui en boit n'aura plus jamais soif. Celui qui en boit sera soulagé des angoisses du jour de la résurrection. Il est plus froid que la neige. Un liquide de ce type-là, le jour de la résurrection, c'est essentiel, c'est vital pour toi de pouvoir y avoir accès. Et cette personne-là ou ces gens-là se verront empêchés d'avoir accès à ce liquide, empêchés d'avoir accès au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il sera dit, Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera donc informé concernant la réalité de ces gens. Il lui sera dit, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Et fa'akul, et alors il dira, Surkan, surkan, liman ghayyara ba'di. Donc quiconque, yani surkan, surkan, c'est-à-dire burden, burden, que soit repoussé, que soit écarté, loin de moi. Essayez de vous imaginer un instant, une personne qui a prétendu aimer Allah et son messager, être rejetée, être bloquée de l'accès au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à son bassin, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise le concernant, Surkan, surkan, loin de moi, loin de moi, parce qu'il ne s'est pas conformé à sa sunna. Le troisième cause de la salvation. La troisième cause, excusez-moi. Khashiyatullah wa taqwa. La crainte pieuse vis-à-vis d'Allah et la crainte d'Allah et la crainte pieuse vis-à-vis de lui, la piété dans l'obéissance. Allah Azzawajal, la sourate Nour, le verset 52, a dit: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. C'est-à-dire, et quiconque aura obéi à Allah et à son messager, et qui redoute Allah et qui est pieux vis-à-vis de lui, ceux-là sont les gens qui réussiront, c'est-à-dire qui auront la grande réussite. Donc Allah Azzawajal a mentionné dans ce verset-là les causes de la réussite, c'est-à-dire ce qui te permettra d'obtenir le succès. Et il n'y a pas de succès, il n'y a pas de salvation si ce n'est par ces éléments. La première, c'est ta'atullah wa ta'atul rasuli bittiba' sunnati. Donc le fait d'obéir à Allah et à son messager. Ceci a déjà été mentionné. Ensuite, la deuxième affaire, le deuxième élément, khashyatullah wa taqwa. Le fait d'avoir al-khashya. Al-khashya, comme les ulémas l'ont expliqué, c'est al-khawf ma'a al-'ilm. C'est une forme de peur, mais accompagnée de science. Et Cheikh Zayed al-Maitre Ali, rahimahullah, avait dit mas'houbun bi mahabbati wa ta'zim. Et ceci est accompagné d'amour et d'un profond respect. Ta'zim, c'est la vénération. C'est-à-dire un profond respect à l'égard d'Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal a décrit ses pieux serviteurs comme étant pénétrés de sa crainte. En effet, Allah, dans Sourate Al-Mu'minun, le verset 57, a dit Min khashyati rabbihim mushfiqun. Ils sont pénétrés de la crainte de leur Seigneur. Et Allah les a décrits. Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. C'est-à-dire que certes, les véritables croyants sont ceux qui, lorsqu'Allah est mentionné, leur cœur tremble, leur cœur frémisse. Et la khashya, la crainte vis-à-vis d'Allah, va te mener au fait de délaisser les actes innommables les actes immondes, les actes laids, et va te pousser à faire les actes d'obéissance et d'être quelqu'un qui a de l'engouement, de la ferveur et de la dévotion dans les adorations. Et c'est pour ça qu'Al-Hassan al-Basri avait dit: Al-mu'minu jama'a ihsanan wa shafaqa, wal-munafiqu jama'a isa'atan wa amna. Thumma tala al-Hassan, inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. C'est-à-dire que donc l'imam Al-Hassan al-Basri a dit: le croyant a réuni entre le fait d'exceller dans les œuvres tout en étant soucieux, c'est-à-dire d'être soucieux que Allah rejette ses œuvres. Tandis que le munafiq a réuni, a joint entre le fait de mal agir et de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah Azzawajal. Puis il a récité le verset du Coran al-Karim dans lequel Allah Azzawajal a dit: et ceux qui sont pénétrés de la crainte qu'ils éprouvent vis-à-vis de leur Seigneur. Et comment se concrétise Al-Khashya? Comme on l'avait dit, Al-Khashya, c'est Al-Khawf ma'a al-ilm. C'est-à-dire, c'est une peur accompagnée de savoir. Quel est ce savoir? Bima'rifati asma'illahi al-husna. Par la connaissance des noms d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a 99 noms. Quiconque les mémorise rentrera au paradis. Qui peut nous rappeler les trois étapes à concrétiser pour concrétiser ce ajr? Non. Je dis. Donne-moi un exemple de mise en pratique. Ahsant. Donc, les trois maratibs, Cheikhouna Cheikh Khalid Al-Zafiri, Hafidhahullah, avait expliqué que donc la personne qui veut concrétiser ce hajar, yani le hajar al-madhkour fil hadith al-sabiq, donc quiconque mémorise les 99 noms d'Allah rentrera au paradis, c'est d'abord mémoriser les 99 noms. Pour celui qui les voudrait, télécharger le PDF du livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, Al-Qawaid al-Muthla fi Asma'illahi wa Sifat. Les règles exemplaires dans les noms et les attributs d'Allah. Dedans, Cheikh al-Uthaymeen, à la fin du livre, a compilé les 99 noms en se basant sur le Coran et la Sunna. Donc il faut les mémoriser. Awalan. Deuxièmement, étudier leur sens. Car tout nom est lié au moins à un attribut. Ensuite, troisièmement, œuvrer en conformité avec ce que impliquent ces noms. Non. Et donc, la crainte d'Allah se concrétise par la connaissance des noms d'Allah. Wa sifatihi al-ula. Et ses nobles et hauts attributs. Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ammuli fi ayatillahi al-kawniyya wa shar'iyya. Et le fait de méditer quant aux signes d'Allah, al-kawniyya wa shar'iyya. Il y a deux types de signes, on les avait vus. Il y avait les signes qui sont créés, les signes d'Allah qui sont incréés. Les signes d'Allah qui sont créés, il y en a deux sous-catégories. Man yadhkuruhuma. Non. Ahsant. Donc les signes célestes, les signes dans les astres, les signes dans les cieux, c'est l'ayat al-afaqiyya ou al-ufuqiyya. Et il y a les signes terrestres, c'est-à-dire par rapport aux êtres humains, par exemple. Comme Cheikh Obeid al-Jabiri rahimahullah l'avait expliqué. Ensuite, il y a les ayats, les signes d'Allah qui ne sont pas créés, qui sont incréés. Ça, c'est l'ayat ou shar'iyya, c'est-à-dire le Coran. Car le Coran, kalamullah, ghayru makhluq. Car le Coran est la parole d'Allah et c'est incréé. Ce n'est pas une création d'Allah. Et donc, kullama kana al-'abdu a'zama ma'rifatan billah, kana a'zama khashyatan lah. Et donc, plus le serviteur aura augmenté en connaissance qu'il a d'Allah, plus il augmentera en crainte qu'il a vis-à-vis de lui. Et comme Allah l'a mentionné, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. C'est-à-dire que ceux qui craignent véritablement Allah parmi ses serviteurs sont les ulama, sont les savants. Ensuite, concernant la taqwa, elle est une expression qui renvoie à ce qui englobe tout le bien pour le serviteur. Et c'est un moyen grandiose d'obtenir la salvation yawm al-qiyamah. Allah Azza wa Jalla taqaw. C'est-à-dire, et Allah sauvera ceux qui ont craint, qui ont été pieux, qui ont eu la taqwa. Et ensuite, dans Surat Fussilat, le verset 18, Allah Azza wa Jalla dit: wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Et nous avons sauvé ceux qui ont cru et qui étaient pieux. Et dans Surat An-Naml, le verset 53, Allah Azzurra dit, nous avons sauvé ceux qui ont cru et ceux qui ont été pieux. Et taqwa, parmi les meilleures des définitions, c'est la définition suivante. Celle de Talq ibn Habib. Lama su'ila siflana taqwa. Il a été questionné et sollicité et on lui a demandé, décris-nous la taqwa. Il a dit, taqwa, amanun bi ta'atillah. C'est-à-dire le fait d'œuvrer en conformité à l'obéissance d'Allah. Raja ar-Rahmatillah, en espérant la miséricorde d'Allah. Ala nourin min Allah, en œuvrant, en te basant sur une lumière venant d'Allah, et ça c'est une science. Wa taqwa, tarku ma'asiyatillah. Et la taqwa consiste également, dans un autre aspect, à délaisser la désobéissance vis-à-vis d'Allah, makhafata iqabillah, redoutant le châtiment d'Allah, ala nourin min Allah, agissant de la sorte, en te basant sur une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire une science. La définition qui est la plus simple, que j'avais apprise en Égypte, faire les ma'mourat, faire les obligations et délaisser les interdits. Mais cependant, la définition de Talq ibn Habib, Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim avait dit que c'était la meilleure des définitions. Taïb. Et donc la taqwa permet d'obtenir la salvation. La personne qui aura craint Allah et qui aura fait les obligations et qui aura délaissé les interdits, il rentre au paradis. Alhamdulillah. Donc, Allah Azzawajal, plutôt le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté de Jabir ibn Abdillah, a dit que Ad-Nu'man ibn Qawqal, radiallahu anhu, atta an-Nabiyya. Il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqal. Et il lui a dit, Ya Rasulallah. Donc, il a interpellé le messager d'Allah en lui disant, Ô messager d'Allah. أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ C'est une question عظيمة. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم a été questionné. أرأيت إذا صليت المكتوبة؟ Il a dit, vois-tu, qu'est-ce que tu dis si je fais les cinq prières obligatoires? Je fais que ça. Quelles les prières obligatoires? وحرمت الحرام. Et ce qui est haram en islam, je le considère haram et je m'en abstiens. Et ce qui est halal en islam, je le considère comme étant halal. Je me conforme au jugement de l'islam. Est-ce que j'entrerai au paradis? Le prophète a dit oui. Alayhi salatu wasalam. Donc toute personne qui aura fait des efforts sur son âme et qui aura patienté sur le fait de faire et de s'acquitter des wajibat, des actes dont l'accomplissement est une obligation, et de s'écarter des interdits, alors Allah le sauvera et il va le guider vers le droit chemin. Comme Allah l'a dit dans Sourate Al-Ankabut, le verset 69, Walladina jahadu fina, donc et ceux qui ont fait des efforts pour nous, quelle est leur rétribution dans cette dunya? Lanahdiyannahum subulana, nous les guiderons vers nos sentiers. Wa inna Allaha la ma'a al-muhsinin. Et Allah est avec al-muhsinin. Parenthèse. Qui peut m'expliquer la ma'iyya? Je veux un tafsil kamel. Pardon. Ça, c'est en tant qu'attribut d'action ou d'essence? Ahsant, Jay. A'anakallah. الأوصاف طيب اذكر لنا مثالا جيد تصويت الأوصاف طيب أحسنت بارك الله فيك طيب أحسنت دونك المعية كون الله دي وإن الله لا مع المحسنين كون دي كالله يتابك Al-ma'iyya, elle est de deux. Al-ma'iyatul 'amma, al-ma'iyatul khassa. Al-ma'iyatul 'amma, Allah est avec tous ses serviteurs. Wa huwa ma'ahum aynama kanu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Donc il est avec vous où que vous soyez. Et il est avec eux où qu'ils soient. Donc le fait qu'Allah est avec ses serviteurs, c'est-à-dire al-ihata bil-'ilm, le fait qu'Allah les cerne de son savoir. Ça, c'est en tant qu'attribut d'essence. Ensuite, al-ma'iyatul khassa, c'est en tant qu'attribut d'action et elle est liée à deux aspects. Al-ma'iyya, allati tata'alaqu bi ashkhas, le fait qu'Allah soit avec certaines personnes bien particulières, comme Moussa wa Haroun, alayhima salatu wa salam, ou lorsque Allah Azzal a été mentionné par le prophète, lorsqu'il a dit li sahibihi, lorsque donc il s'adresse à son compagnon Abu Bakr Siddiq fil-har, la tahzan, inna Allah ma'ana, ne t'afflige pas, certes Allah est avec nous. Et ça veut dire que Allah nous protège, Allah nous assiste, Allah nous aide, Allah nous assiste. Ça ne veut pas dire qu'Allah est avec ses serviteurs de par son être. Car on sait que de par son être, la aqidah de Ahlus Sunnah, c'est que Allah est au-dessus de ses serviteurs, au-dessus de son trône, et s'est élevé au-dessus de son trône d'une manière qui sied à sa majesté. Mais malgré le fait qu'il soit ba'inun min khalqih, qu'il soit distinct de sa création, ilmuhu fi kulli makan. Et son savoir cerne toute chose. Non. Ensuite, la ma'iyya d'Allah qui est liée à des awsaf, c'est comme inna Allah la ma'al muhsinin. Allah est avec les bienfaisants. Ou inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. C'est-à-dire que si tu as cette caractéristique-là, en réaction de cela, Allah sera avec toi. Il va te protéger, il va te secourir, il va t'accorder de tawfiq, il va accorder son aide et son assistance dans ce que tu entreprends parmi les œuvres de piété. Non. Et donc, il est important de connaître la taqwa. Et justement, Bakr ibn Khunais avait dit, Kefa yakun muttaqiyan man la yadri ma yattaqi. Comment une personne pourrait se prémunir d'une chose dont il ignore l'existence? Donc, il faut connaître le bien, il faut connaître le mal. Car si tu veux te prémunir de quelque chose et que tu ne le connais pas, comment tu vas te prémunir? Kefa yattaqi man la yadri, kefa yattaqi. Allahu musta'an. Donc on en a combien? 3 ou 4? Al-Rabi'a. Hifdhul lisan. Intabihu. Rakizu ma'i. Ya ayyuha l'ikhwa. Soyez avec moi, parce que là, c'est un point important. Les autres points étaient tout aussi importants, voire plus. Le tawhid, a'zam. Lakin, là, c'est un péché qui concerne beaucoup de gens. Hifdhul lisan. Parmi les voies permettant d'obtenir la salvation et le fait d'être sauvé, hafdhul lisan, le fait de préserver sa langue, de retenir sa langue et la préserver de tout ce qui est mauvais. Il est rapporté dans un hadith de Uqba ibn Amir, radiallahu anhu, qui a dit, Qultu, donc il a dit, en s'adressant au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et regardez la question qu'il lui a posée. Ya Rasulallah, man najah? Oh, au messager d'Allah, qu'est-ce que la salvation? Qala, imlik alayka lisanak, retiens ta langue. Waliyasa'ka baytuk, et reste dans ta maison. Wabki ala khati'atik, et pleure sur tes péchés. Trois lignes directrices. Retiens ta langue, reste chez toi, et pleure sur tes péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant le fait de retenir sa langue, a dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran aw liyasmut. Quiconque aura cru en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Notre cher Badr al-Anazi, hafidhahullah, parmi nos mashayikh, avait expliqué que les paroles que tu peux proférer sont de trois. La parole qui est clairement licite, prononce-la. La parole qui est clairement illicite, abstiens-toi. La parole dont le jugement t'est équivoque, là, tu ne sais pas vraiment si c'est bien de le dire ou si c'est mauvais de le dire, abstiens-toi. Et ceci est la concrétisation du hadith rapporté par Abu Abdullah Nu'man ibn Bashir, qui est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et dans le Sahih de l'imam muslim. Inna al-halala bayyin, wa inna al-harama bayyin, wa baynahuma umurun mushtabihat, la ya'lamuhunna kathirun min al-nas, faman ittaqa shubuhat faqad istabraha li dinihi wa ardih, wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fi al-haram, al-hadith. C'est-à-dire que ceci est le sens du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le halal est clair et le haram est clair. Et entre les deux, il y a des choses dont le jugement n'est pas clair pour tout le monde, dont peu de gens connaissent le jugement. Celui qui se sera prémuni de ces choses-là, alors il a protégé sa religion et son honneur. Celui qui se laisse aller à ces choses-là finira par tomber dans le haram. Non. Et concernant le danger de la langue, dans un hadith rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, dans le Sahih de l'imam muslim, il est dit que إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الله أكبر. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut dire une parole et elle ne se rend pas compte de la gravité de sa parole. Mais à cause de cette parole-là, elle tombera dans l'enfer d'une distance plus grande et plus vaste que la distance qu'il y a entre l'Orient et l'Occident. Donc il va sombrer dans l'enfer à cause de cette parole-là. Et lui, lorsqu'il la prononce, il ne s'en rend pas compte. Il ne s'en rend pas compte de la gravité de ce qu'il a dit. Concernant la makanatul lisan, le statut de la langue, Ida asbaha ibn Adam, lorsque le fils d'Adam se lève au matin, fa inna al-a'dha kulluha tukaffiru al-lisan, tous les organes, les membres du corps se rabaissent devant la langue. Fa taqul ittaqillaha fina, crains Allah nous concernant. Fa innama nahnu bik, car nous dépendons de toi. Fa istaqamta istaqamna, et si toi, donc toi la langue, tu es droite, nous le serons aussi. Wa in awajajta awajajna, et si tu dévies, nous dévierons avec toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donné un conseil à un de ses sahaba, il a attrapé sa langue. Il lui a dit, Kuffa alayka hada, retiens ça, en parlant de sa langue. Et donc ce noble sahabi, Muadh ibn Jabal, a dit, Fakultu, j'ai donc réagi en disant, Ya Nabi Allah, ô prophète d'Allah, inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih, yani serons-nous amenés à rendre des comptes, yani à être châtiés par rapport à ce que nos langues profèrent, c'est-à-dire concernant ce qu'on dit avec notre langue. Regardez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thakilatka ummuk, que ta mère te perde. C'est une manière, ce n'est pas une doa contre lui. C'est une manière d'attirer son attention concernant une erreur qu'il a dite. Thakilatka ummuk, ya Mu'adh, que ta mère te perde, Mu'adh. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ C'est-à-dire, et qu'est-ce qui est une plus grande cause qui fait que les gens sont jetés dans l'enfer sur leur visage, si ce n'est ce que leurs langues ont proféré comme propos? Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith sahih, Man samata najah, celui qui s'est tué, il a été sauvé. Il est sauf. Et dans une parole d'un des pieux prédécesseurs qui avait dit une parole grandiose, il avait dit Al-Kalamu Ribh wa Samtu Najah. C'est-à-dire que celui qui donc parle qu'avec le bien, quand tu as quelque chose de bien à dire, tu parles. Quand tu n'as rien de bien à dire, tu te tais. Alors dans ce contexte-là, si tu appliques ça, Al-Kalamu Ribh, la parole est un gain. C'est si tu parles avec que du bien. Chaque fois que tu parles, c'est que des hasanat pour toi. Et si tu veux dire autre chose que du bien, un Samtu Najah, le silence est une salvation. Donc le fait de se taire, ce sera une cause de salvation. Le cinquième moyen d'obtenir la salvation. Le rouge. Non, ça marche. Al-firaru min al-fitan. Donc le cinquième élément, parmi les éléments qui permettent d'obtenir la salvation, yawm al-qiyamah, al-firaru min al-fitan. Le fait d'être loin des troubles, loin des problématiques, loin des problèmes. Non. Et donc, parmi les manifestations de l'écartement des fitan, le fait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné, man najah, c'est-à-dire qu'est-ce que la salvation, yani comment être sauvé, le prophète sallallahu a répondu avec trois lignes directrices. Imlik, alayka lisanak, retiens ta langue. Et que ta maison, tu y restes. Ça, c'est une cause qui te permet d'éviter les problèmes. Lorsque, par exemple, je donne à la Sabine le mythal, lorsque les ulémas ont entendu parler de ce qu'on appelle les débuts, des étapes de la destruction de l'ordre établi dans les pays musulmans par le printemps arabe, qui en vérité, comme les ulémas disent, l'automne arabe. Ce qu'ils ont appelé ça printemps pour parler du bien que ça a amené. Il n'y a eu aucun bien dans la révolution contre les Hukam. Fait partie de la aqidah de Ahlus Sunnah et du ménage des gens de la Sunnah le fait de ne pas se révolter contre les gouverneurs, qu'ils soient pieux ou désobéissants. Et quand ils nous ordonnent le péché, on ne leur obéit pas, mais on leur obéit dans ce qui est convenable. Et justement, lorsqu'il y a eu le printemps arabe, il y avait des fitan. Les ulémas ont dit de ne pas participer. Dans ce genre de contexte-là, le fait de s'écarter des fitan, c'est le fait de rester chez soi, de ne pas prendre part aux manifestations. De ne pas prendre part aux révoltes, aux mouvements révolutionnaires. de ne pas parler contre le gouverneur. Car les ulémas ont défini que al-khuruj al-hukam, la révolution, la révolte contre les gouverneurs, se fait de deux manières. Bil-lisan ou bil-sinan, par la langue. Et ça, c'est l'étape initiatique qui va provoquer la deuxième. Bil-sinan, bil-suyuf, par les armes. Car les gens ne se lèvent pas un matin, ils disent, il va chercher le pain, après il va dire à son voisin, viens, on se révolte. Ça ne marche pas comme ça. Ça commence par le fait que les a'immas sur les manabirs, ils parlent contre le gouverneur. Ils critiquent les gouverneurs. Ils insultent les gouverneurs. Ils montrent les erreurs des gouverneurs. Jusqu'à ce que les cœurs des gens soient remplis de rage et de rancune et d'animosité contre le gouverneur. Puis après, les mouvements révolutionnaires commencent. Et après, l'armée est obligée de mater la révolution. Et après, le chaos commence. Et alors, les viols, les meurtres, les massacres et les pillages commencent. Donc, parmi les manières de se préserver des fitnes, rester chez soi. Rester chez soi et se préserver des fitnes. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, alladhi akhrajahu muslimun fi sahihi, donc rapporté par l'imam muslim dans son sahih, il a dit, alayhi salatu wa sallam, ta'awwadhu billahi min al-fitan, ma zahara minha wa ma batan. C'est-à-dire, chercher le refuge auprès d'Allah contre les fitan, contre les troubles, ce qui en est apparent ou ce qui en est caché. Non. Et pour la fin, il a. Les fitan, dans la linguistique, le fitna, ça renvoie linguistiquement, comme Cheikh Mohamed Amine Chinqiti l'avait expliqué, au fait de purifier quelque chose. C'est-à-dire que les fitan, parmi les bénéfices, les fawaïd qu'il y a dans les fitan, le fait qu'elles surviennent, c'est que ça distingue le pieux du mauvais. Car en effet, dans la linguistique, le fitan, linguistiquement parlant, ça renvoie au fait de purifier l'or par le fait de le faire fondre. C'est-à-dire que des fois, l'or, il y a des souillures dedans, des saletés, des choses qui ne sont pas de l'or. Et lorsqu'on veut purifier l'or, on le fond en le chauffant à haute température. Et lorsque l'on le fond à haute température, alors on peut enlever les souillures, les éléments qui sont étrangers à l'or qui sont présents dedans. Donc ça, c'est la racine linguistique de la fitna. La fitna, linguistiquement parlant, son origine, ça renvoie au fait de faire fondre l'or pour le purifier. Et donc les fitnes, lorsqu'il y a des fitnes, c'est là celui où on voit celui qui a des valeurs et qui a des principes. Et c'est pour ça que Allah Azza a dit, yani dans Sourate Al-Ankabout, yani les gens croient-ils que nous nous laisserons dire, nous avons cru, wahum la yuftanun, et sans que nous les mettions à l'épreuve, et nous avons mis à l'épreuve ceux qui sont venus auparavant. Ainsi Allah fait apparaître ceux qui d'entre eux ont été des véridiques, alladhina sadaqu, et Allah fait apparaître ceux qui étaient du nombre des menteurs. Donc les fitan sont des choses qu'Allah prédestine, mais à travers lesquelles se distingue le pieux du dévoyé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna sa'ida laman junnib al-fitan. Le véritable bienheureux, c'est celui qui aura été écarté des fitan. Le sixième moyen d'obtenir la salvation, Yawm al-Qiyamah, Kathratu al-du'a wal-luju ila Allah. Le fait d'être abondant dans les invocations et le fait de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'avait vu dans l'assise d'hier, la dua, l'invocation, est la clé de tout bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et Allah azza wa jalla a mentionné, et si mes serviteurs te questionnent à mon propos, je suis certes proche. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. Et dans un autre verset du Coran al-Karim, Allah Azzawajal a dit, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Donc, quiconque voudrait être sauvé, qu'il fasse beaucoup d'invocations, demandant le bien à Allah Azzawajal. Et la plus grandiose des doigts, c'est la doigt de Surat al-Fatiha. Guide-nous dans le droit chemin. Et Adina Surat al-Mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. C'est qui ceux qu'Allah a comblés de bienfaits? Allah l'a clarifié dans le Coran. Il a dit, ce sont quatre individus, quatre catégories d'individus. Ça y est. Non. Ahsante. Donc, c'est-à-dire, Allah a clarifié le Coran. Et Cheikh Mohammed Amin Shenqiti a expliqué le verset de Sourate Al-Fatiha dans son livre Adwa wal Bayan, qui est son livre dans lequel il a fait l'exégèse du Coran par le Coran, avait expliqué le verset Ihdina Sirat al-Mustaqim, donc guide-nous dans le droit chemin, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as commis de bienfaits. Et Allah, dans un autre passage du Coran, a fait savoir que celui qui aura obéi à Allah et à son messager sera ma'an nabiyyin, wa siddiqin, wa shuhada, wa salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. C'est-à-dire, donc, il sera avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et comme est bonne cette compagnie qu'avec ces gens-là. Et non, jazakallah khair. Celui qui aura obéi à Allah et à son messager sera avec ceux qu'Allah a comblés de bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Jazakallah khair. Donc, il est important d'invoquer Allah et de s'orienter vers lui et d'être constant. C'est-à-dire, al-ilhah, c'est le fait de ne pas juste invoquer une fois. Tu invoques avec abondance, avec répétition. Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim avait dit, celui qui frappe abondamment à une porte se la verra ouvrir. Non. Et on avait vu lors de notre cours sur le sujet, adab al-du'a. On va en récapituler certains juste brièvement. Le fait d'invoquer en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en priant sur lui. Car le fait de commencer par le fait de demander directement ce que l'on veut est un manque de adab. Allah Azzawajal nous a éduqués à ça à travers Sourate Al-Fatiha, comme Ibn al-Qayyim l'a mentionné. D'abord, on commence par le fait de glorifier Allah. Car dans Sourate Al-Fatiha, c'est ce qu'il y a de mentionné. D'abord, on glorifie Allah, puis on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis on demande ce que l'on veut. Et après avoir invoqué, on prie à nouveau sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis on fait d'autres invocations. Puis on clôture nos doigts avec la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également parmi les adab, le fait d'être concentré, car Allah n'exauce pas la doua d'un cœur insouciant. Également, le fait d'être orienté vers la Qibla, le fait d'être mutawaddi, le fait de lever les mains, le fait de pleurer. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, avait dit, lorsque tu invoques Allah, prends les manières de l'enfant avec son père, car le père ne donne à son enfant qu'une fois qu'il l'a vu pleurer. Ça fait partie des adab, et on avait fait un cours détaillé sur le sujet. Également, choisir les temps idéaux. Par exemple, entre l'adhan et l'iqama, les doigts sont exaucés. Le fait de multiplier et abonder d'invocations durant le sujoud, ou à la fin des prières, ou après les prières al-maktouba, c'est-à-dire les salawat al-mafrouda, les prières obligatoires, durant le dernier tiers de la nuit, lorsqu'il pleut. Ensuite, entre les deux sermons du Jumu'ah, matin. Et donc, on voit que les doigts sont une cause de salvation. Nous voyons l'exemple de Noé. Nuh, alayhi salatu wa salam, a dit, comme Allah le rapporte, Qala Rabbi, inna qawmi kadhaboun. Faftah bayni wa baynahum, fathan wa najjini wa man ma'i, wa man ma'ya min al-mu'minin. C'est-à-dire que Nuh, alayhi salatu wa salam, a demandé le secours d'Allah azawajal. Et il a dit, donc, tranche entre eux et moi, et wa najjini, et sauve-moi, wa man ma'i, et ceux qui sont avec moi, parmi les croyants. Est-ce qu'Allah l'a exaucé? Non. En effet, dans Sourate Al-Shu'ara, Allah a dit, فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ. Nous l'avons sauvé, lui, ainsi que ceux qui étaient avec lui, fil fulk, dans le navire. Également, le cas de Lot, le cousin d'Ibrahim, alayhi salatu wa salam. Donc, Lot était un prophète. Et il a invoqué Allah Azzawajal en disant Rabbi, Najini wa ahli mimma ya'malun. C'est-à-dire, sauve-moi, ô Seigneur, sauve-moi ainsi que ma famille de ce qu'ils font. C'est-à-dire, parmi son peuple. Allah Azzawajal dans Sourate Al-Shu'ara a mentionné Panajaynahu wa ahlahu ajma'in. Nous l'avons sauvé lui ainsi que ceux qui étaient avec lui dans leur ensemble. Et la doua de Younous, c'est-à-dire, celui qui a été englouti dans la baleine, lorsque justement il a été amené à invoquer Allah alors qu'il était dans les ténèbres de cet animal. Fanada, donc il a appelé, Fidholomat, alors qu'il était dans les ténèbres, Allah ilaha illa ant, subhanak inni kuntu min al-zalimin, en disant, il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est toi, Gloire et pureté à toi, j'ai été certes du nombre des injustes. Non. De quoi? Ah, non, c'est une forme de zikr, mais la doua peut-être n'est pas mazkoura dans le passage. Donc là, ensuite du verset, Allah Azza dans Surat Al-Anbiya mentionne Fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham wa kadhalika nudji al-mu'minin. Donc c'est-à-dire Fastajabna lahu, nous l'exaucâmes donc, wa najaynahu min al-gham, et nous le sauvâmes de l'angoisse dans laquelle il était. Wa qala Allahu Azza fi hali Musa wa Harun. Et Allah Azzawajal mentionne concernant Moussa et Haroun. Et il a mentionné وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. C'est-à-dire que nous les avons sauvés tous les deux, ainsi que leur peuple à eux deux, le peuple de Bani Israël, de la grande angoisse. Le septième moyen d'obtenir la salvation. مُلَازِمَةُ التَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ. Donc le fait d'être constamment quelqu'un qui se repent et qui demande pardon. L'istighfar, c'est talab al-maghfira, la demande de pardon. Ensuite, at-tawba, c'est la repentance. Donc il y a de nombreux textes qui ont été mentionnés dans le Coran et dans la Sunna mentionnant les mérites de la tawba et de l'istighfar. Et ces deux moyens sont une cause de salvation. En effet, le noble sahabi Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, a dit, je suis étonné de celui qui finit dans la perte et dans la ruine, alors que la salvation était à sa disposition. On lui a dit, et qu'est-ce que cela? Comment il a été détruit, il a causé sa perte, alors qu'il avait la cause de la salvation avec lui? Il a dit, faqala l'istighfar. C'est-à-dire qu'il avait le moyen d'être sauvé avec lui. Elle est stirfar. Et donc, il y a une allusion au fait de se repentir et de demander le pardon dans le hadith dans lequel le prophète, lorsqu'il avait été questionné sur qu'est-ce qu'est la salvation, c'est-à-dire comment obtenir la salvation, Imlik alayka lisanak, retiens ta langue, waliyasa'aka beytuk, et que tu restes dans ta maison, et le shahid, c'est le troisième aspect, wabki ala khati'atik, et pleure sur tes péchés. Ça renvoie à l'ishara ila l'istighfar wa tawba. Et comme Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, excusez-moi, avait dit, la soghira ma'a l'istighfar wa la soghira ma'a l'israr. C'est-à-dire que donc, il n'y a nul kabira, il n'y a pas de kabira ma'a l'istighfar. C'est-à-dire que tant qu'il y a la demande de pardon, et dans ce contexte ici, c'est la tawba, il n'y a pas de grand péché. C'est-à-dire que tant que tu fais tawba, les péchés majeurs sont effacés. Voilà, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son sujoud disait, Allahumma firli dhanbi kullah. C'est-à-dire, oh Allah, pardonne-moi tous mes péchés. Diqqahu wa jillah. Ce qui en est subtil et ce qui en est manifeste. Wa awwalahu wa akhirah. Du premier au dernier. Wa alaniyatah wa sirrah. Ce qui en est observable et ce qui est secret. Donc, si le serviteur se repent en étant véridique envers Allah et qu'il se rétracte, c'est-à-dire qu'il cesse de faire des péchés dans leur ensemble et qu'il regrette amèrement et sincèrement le fait d'avoir péché et qu'il met la ferme résolution de ne pas réitérer, de ne pas retomber dans ce péché-là et qu'il multiplie l'istighfar, alors Allah le sauvera dans ce bas monde et dans l'au-delà. Comme Allah Azzawajal a dit, donc Allah n'est point tel à li'adhibahum, yani Allah n'est point tel à les châtier, wa anta fihim, alors que tu es parmi eux, c'est-à-dire Mohammed. Et Allah n'est point tel à les châtier alors qu'ils demandent son pardon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Touba liman wajada fi istighfaran, c'est-à-dire que la bonne annonce soit faite à celui qui trouvera dans ses registres, c'est-à-dire les registres de ses œuvres, qui seront consultés yom al-qiyama, une abondance de demandes de pardon. C'est-à-dire la bonne annonce soit faite à lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son statut d'être humain, qui s'est vu pardonner tout ce qu'il a accompli dans le passé comme péché, et tout ce qu'il serait amené à accomplir dans le futur, malgré cela a dit, Wallahi, par Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marra. Et dans une riwaya, akthar min yani min 100 marra. C'est-à-dire que le prophète sallam a dit, par Allah, je demande le pardon d'Allah et je me repens à lui par jour plus de 70 fois. Et dans une version, plus de 100 fois. Et Ibn Umar, radiallahu anhuma, a dit, In kunna la na'uddu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fil majlis al-wahid, mi'at marra, rabbi ghfirli wa tub alayya, innaka anta tawwabur rahim. C'est-à-dire que Abdullah ibn Omar disait, on pouvait compter dans une seule et même assise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire plus de 100 fois dans la même assise, rabbi ghfirli, ô Seigneur, pardonne-moi, wa tub alayya, et accepte ma repentance, innaka anta tawwab. Tu es le grand accueillant au repentir, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Le huitième moyen d'obtenir la salvation. Al-hadr min al-ujbi wal-ightirar. Le fait d'être sur ses gardes concernant le fait d'être imbu de soi-même, de devenir vaniteux et d'être leurré concernant la réalité de sa propre personne. C'est-à-dire que la personne qui a fait de bonnes œuvres, qui fait de bonnes œuvres et qui s'écarte du haram, ne devienne pas vantard, ne devienne pas une personne vaniteuse, ne devienne pas une personne hautaine, une personne qui devient imbue de sa propre personne. Non. Ce qui incombe à l'être humain, c'est de savoir qu'il est déficient. Et ça, c'est une caractéristique que Cheikh Saadi a mentionnée dans sa Manzuma. Manzuma. Il avait dit, fi'lul C'est-à-dire que les pieux, le fait de faire les obligations et les actes surérogatoires, ceci est leur habitude. En voyant qu'ils ne font pas assez bien et qu'ils ne font pas assez en quantité, qu'ils ne font pas assez bien en qualité. Et c'est-à-dire le fait de voir tes œuvres constamment, quelles qu'en soient les œuvres que tu fais, le fait de te dire que tu ne fais pas assez en quantité, ceci repousse de toi al-kasal, la fainéantise. Et le fait de te dire que tu ne fais pas bien en qualité dans l'adoration, ceci repousse de toi al-ujb, le fait d'être imbu de ta personne. C'est-à-dire, yani je suis quelqu'un, je suis devenu quelqu'un, je suis devenu un grand adorateur. Là. Justement, les pieux prédécesseurs n'étaient pas comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Lan yudkhil ahadan amaluhu al-jannah. Nul ne rentrera au paradis par son œuvre. Qalu. Voilà, enta ya Rasulallah, même toi au messager d'Allah. Qala la, voilà ana, non, même moi. Illa an yataghammadani la bifadlin wa rahma, à moins qu'Allah ne me couvre de sa grâce et de sa miséricorde. Et Abu Mulaika rahimahullah, parmi les tabi'in, a fait mention du fait qu'il a rencontré plus de 30 parmi les Sahaba. Il a dit, Adraktu thalathina min ashabin nabi, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai rencontré près de 3, pardon, de 30 Sahaba parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre eux craignait l'hypocrisie pour lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a enseigné une invocation à Abu Bakr as-Siddiq, sachant que nous avons comme croyance, comme mentionné hier, le fait que, après les prophètes et les messagers, le meilleur être humain qui a foulé cette terre est Abu Bakr as-Siddiq. Aucun doute là-dessus. Et c'est notre aqida. Et donc, justement, le prophète sallam lui a enseigné la dua, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Oh Allah, je me suis fait du tort à moi-même d'une injustice énorme. Ou plutôt d'une injustice abondante. Wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Et nul ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Pardonne-moi donc d'un pardon venant de ta part. Warhamni, et fais-moi miséricorde. Innaka antal ghafur rahim. Tu es certes le grand pardonneur ou le pardonneur, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Donc si ceci est la dua que le prophète a enseigné à Abu Bakr as-Siddiq, Qu'en est-il de celui qui est en deçà de lui? Non. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما. Donc Ibn Taymiyyah dit, aucun d'entre nous ne peut se permettre de penser qu'il pourrait se passer de la repentance vers Allah et de la demande de pardon quant à ses fautes. Mais en vérité, tout le monde en a besoin de façon constante. Et les serviteurs pieux ont été décrits par Allah lorsqu'il a dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. C'est-à-dire, et ceux qui accomplissent leurs actes, alors que leurs cœurs sont terrifiés à l'idée du fait qu'ils reviendront vers leur Seigneur. Aïcha radiallahu anha a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant أَهُمُ الَّذِينَ يَشْرُبُونَ الْخَمْرُ وَيَسْرُقُونَ. C'est-à-dire, sont-ils ces gens-là sont-ils ceux qui boivent de l'alcool et qui volent? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La ya bint as-siddiq. Ô fille du véridique, ceci n'est pas cela. Walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun an la yuqbala minhum. Mais ce sont plutôt ceux qui font la prière, font le jeûne, qui prient, qui font des aumônes et qui redoutent que ceci ne soit pas accepté de leur part. Le neuvième moyen pour être sauvé. Tadhakkur al-hisab wal-wuquf bayna yadayhi Allah. Le fait de se rappeler le jugement, yani les comptes. Wal-wuquf bayna yadayhi Allah. Le fait de se rappeler qu'on va se tenir devant Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a mentionné wa ma adraka ma yawmuddin. Et qui te fera savoir ce qu'est le jour de la rétribution? Et qui te fera donc savoir quel est le jour de la rétribution? Le jour où nulle âme ne pourra faire quoi que ce soit pour une autre, et que l'affaire reviendra tout en entier à Allah. Et donc la personne qui veut la salvation dans l'au-delà, doit avoir durant sa vie d'ici-bas à l'esprit le fait qu'il va rendre des comptes, qu'il va comparaître, qu'il va être amené à être jugé concernant ce qu'il fait dans ce bas monde. Et donc celui qui fait cela, alors il obtiendra la salvation, yawm al-qiyamah. Et Allah Azza wa Jalla a mentionné, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Comme vous le savez, il y a deux cas concernant la remise du registre. Soit tu la reçois dans ta main droite, soit dans ta main gauche, dans ton dos. C'est deux situations. Et donc justement, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, quant à celui qui se verra remettre son registre de bonnes actions dans la main droite, فَيَقُلْ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَ, c'est-à-dire, oh tenez, voilà, lisez mon livre. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ, c'est-à-dire que j'étais certain d'y trouver mon compte. Cette personne-là a œuvré en préparation pour ce jour. Et en ce jour-là, il se réjouira de ce qu'il a œuvré, du fait qu'il le verra consigné dans son livre. Non. Et donc, فَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَقِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ سَائِلُهُ عَنْ أَعْمَالِهِ. Donc, celui qui sait qu'il se tiendra devant Allah et qu'Allah le questionnera sur ses œuvres, يَنْبَغِي لَهُ الْإِسْتِعْدَادِ لِذَلِكَ الْيَوْمِ. Il lui incombe donc et il convient pour lui de se préparer pour ce jour. وَلِيُعِدَّ لِلْمَسَلَةِ جَوَابًا. Qu'il soit prêt à préparer une réponse pour lorsque la question lui sera posée. وَلِيَحْرِسْ أن يكون الجواب صوابا, et qu'il fasse en sorte que sa réponse soit correcte. Le dixième moyen pour être sauvé. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et ceci fait partie des caractéristiques distinctives de l'islam. Il fait partie des nobles œuvres. En effet, Allah Azza wa Jalla a mentionné كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. C'est-à-dire, vous êtes la meilleure communauté que l'on a suscitée parmi les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal et وتؤمنون بالله. Et vous croyez en Allah. Ce verset-là n'a rien à voir avec le khuruj des tablighs. Car les tablighs utilisent souvent ce verset pour dire vous êtes la meilleure communauté qu'on a suscitée parmi les gens Parce qu'il y a marqué Ukhrijat linnas. Donc il dit c'est le khuruj. Kadhaboun. Cheikh Mokbel ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah, en définissant ou en décrivant les tablirs, avait dit ce sont ceux qui ont réussi à joindre entre le tasawwuf et le jahl, entre le soufisme et l'ignorance. Et Allah Azzajal nous a ordonné de prêcher avec science. Or, les tablirs en sont dépourvus. Et il est interdit de sortir avec eux. Il est interdit de faire leur apologie. Il est interdit de les côtoyer. Il est interdit de les aider dans leur da'wah. Quiconque veut prêcher, quiconque veut enseigner, qu'il voyage là où il y a des ulémas, où il y a des mashayikhs, où il y a, là où il y a des toulab qui ont étudié avec les mashayikhs et qui sont reconnus par les ulémas et les mashayikhs. Et ensuite, une fois qu'il s'instruit, il transmettra aux autres. Et c'est comme ça que se fait la da'wah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a formé des sahaba et il a envoyé les sahaba prêcher. Pour vous donner un exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal, il l'a envoyé au Yémen. Mu'adh ibn Jabal était le sahabi le plus expert dans le halal et le haram. Donc, à la base, tout ce que tu connais de sources fiables, tu le transmets. Il n'y a pas besoin d'être un savant pour transmettre. Par contre, enseigner et prêcher, c'est un autre domaine. Car ça va impliquer des questions, des interrogations, des ambiguïtés, et ainsi de suite. Madame, Allahu yahdik. Allahu sa'ad. Rahimakallah. Donc, et le prof, Allah Azza wa dit: Waltakun minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. C'est-à-dire, et Allah Azza wa dit dans ce verset qu'il y a un groupe parmi vous qui appelle au bien et qui ordonne le bien et qui interdit le mal, et ceux-là sont ceux qui réussissent. Ensuite, Allah Azza wa a mentionné والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Et les croyants et les croyantes sont des alliés les uns envers les autres et ils s'ordonnent mutuellement le bien et ils s'interdisent mutuellement le blâmable. J'ai fait un lapsus? En même temps, on se prend les... vous trois, vous m'avez regardé d'une manière, je me suis dit j'ai fait un lapsus. Taïb. Allah Azzajal a mentionné Alladhina in makannahum fil ard aqamu s-salah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatu al-umur. Donc Alladhina, ceux qui in makannahum fil ard, lorsque nous leur avons accordé l'autorité, lorsque nous leur donnons l'autorité et la suprématie sur la terre, aqamu s-salah, établissent la prière, wa ataw zakah, et verse yani verse l'aumône obligatoire, wa amaru bil ma'ruf, et ont ordonné le bien, wa nahaw 'anil munkar, et ont interdit le blâmable. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné un hadith. Le hadith, je vais directement le mentionner en français, yani de façon résumée. Ça, c'est une métaphore grandiose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite. Rakizoubaï, soyez attentifs. Avant de commencer la description du hadith, il faut comprendre que dans le bateau, il y a deux éléments principaux. Le pont et la cale. C'est-à-dire que ça, si ça, c'est le bateau. Le niveau de la mer, il est ici. D'accord? Donc il y a des gens qui peuvent être en dessous, à l'intérieur du bateau, ça, c'est la cale. Donc c'est-à-dire que l'eau, de l'autre côté du mur, c'est de l'eau. Et il y a de ceux qui sont sur le pont. Et ils voient les nuages, ils voient l'eau, etc. Ils peuvent plonger dans l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une métaphore pour faire comprendre ce qui se passe dans la société quand les gens délaissent le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Dans le hadith, il est mentionné qu'il y a des gens dans un bateau, des gens qui sont sur le pont, des gens qui sont dans la cale. Les gens qui sont dans la cale, lorsqu'ils ont besoin d'eau, ils doivent à chaque fois solliciter et déranger les gens du pont. Et donc, certains d'entre eux commencent à discuter en disant, si on faisait un trou dans la cale, on aurait accès à l'eau sans devoir solliciter et déranger les gens qui sont sur le pont. Si les gens du pont laissent faire les gens de la cale, le bateau coule. Ça, c'est l'exemple de la société dans laquelle l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal n'a pas lieu. C'est-à-dire que lorsque des gens qui sont sur la droiture laissent les gens faire le mal, ne leur redonnent pas le bien, ne l'interdisent pas le mal, la société coule. Et ça, c'est exactement ça. Et le problème, c'est que cette mentalité, elle commence à suinter. Elle a causé la destruction des autres communautés, mais elle commence à suinter chez nous. C'est-à-dire que des fois, il y en a, ils se font même des gens, ils disent, quand tu lui dis, que ce soit un homme ou une femme qui reçoit la nasiha, des fois, certaines personnes, lorsque tu fais la nasiha, ils disent, laisse ça entre moi et Dieu. Seul Dieu peut me juger. Mais là, c'est pas comme ça que ça marche. C'est Dieu, Allah Azzawajal, qui nous a ordonné de te faire la nasiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion, c'est la loyauté. Et parmi les manifestations de la loyauté, le fait de donner le bon conseil. Parce que quand la personne a fait le mal, elle se dit, ouais, mais ça, c'est mon problème à moi. Fait, non, non, non, non. Parce que toi, comme tu pèches en public, tu es une prédicatrice ou tu es un prédicateur au mal. Car tu incites les gens à le faire. Et quand les gens, ils te voient le faire, ça les motive eux aussi à le faire. Et c'est comme ça que les péchés deviennent répandus. Que les péchés deviennent ensuite normaux. Et c'est comme ça qu'on voit certaines choses. Regardez en France, l'évolution. Il y a 30 ans, il y a certaines choses qui sont des droits maintenant. En France, c'était un crime avant. Plutôt, c'était quelque chose qui était une contravention. Tu pouvais avoir une amende, tu pouvais aller en prison. Maintenant, le Munkar a été tellement défendu, tellement répandu que maintenant, c'est devenu quelque chose qui est à respecter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna nas idha ra'au al-munkara falam yughayyiruh awshaka an yu'ammahum يعمهم الله بعقابه. C'est-à-dire, lorsque les gens sont témoins du blâmable, c'est-à-dire des actes répréhensibles être accomplis, et qu'ils ne le changent pas, c'est-à-dire qu'ils ne font pas cesser ce mal-là, alors il se peut que Allah les enveloppe tous dans le châtiment. C'est-à-dire que le châtiment s'abatte sur eux tous. Et il est rapporté du noble sahabi Jundub ibn Abdillah, عندما رأى قوما من خيار علماء أهل البصرة يذكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حديثهم. Donc Jundub ibn Abdillah, lorsqu'il a vu l'élite des gens de Basra parmi les gens de science aborder dans leur discussion le sujet de l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, a dit لم أرى كاليوم قط C'est-à-dire qu'il a dit, je n'ai pas vu en ce jour des gens plus méritants d'être sauvés s'ils sont véridiques. Du fait que c'était des gens qui voulaient concrétiser l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Non. Et avec ceci, nous arrêtons là pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته